Comment diriez-vous « il me le dit » ? Me lo dirò. Dira. Me lo dira. Non. Est-ce que c'est Meloda? Meloda signifie il me le donne. Ça vient du verbe dare, donner. Do, je donne, à la première personne. Et da, avec un accent grave, pour vous donner, il ou elle donne. D'accord? Alors, comment dit-on? Que dites-vous? Che cosa? Che cosa? Che cosa dice? Parfaitement. Che cosa dice? Et donc, je dis, donnerai? Dico. Dico, oui, dico. Voyons, une autre question. Pourquoi ne me le dites-vous pas? Perché non mi... non me lo dice? Très bien, oui. Perché non me lo dice? Parce que le mi, s'il est suivi par lo, devient me. Me lo. Perché non me lo dice? C'est la même chose dans la phrase que je vous demandais tout à l'heure. Il me le dit. Redites-moi cette phrase. Il me le dit. Me lo dice. Me lo dice, c'est ça. Comment diriez-vous maintenant « je veux le savoir » ? Voglio, voglio saperlo. Oui, voglio saperlo. Et si vous voulez insister un peu plus, comment diriez-vous « je dois le savoir » ? Devo saperlo. C'est ça, devo saperlo, je dois le savoir. Pour dire « comment allez-vous ? » On utilise le verbe stare et non pas le verbe andare. On dit come sta, comment vous trouvez-vous, en quelque sorte. On vous répondra peut-être je vais bien, toujours avec le verbe stare, ce qui donnera sta bene. Je vais bien. Recommencez, s'il vous plaît. Sto bene. Sto bene, oui. Par contre, pour dire tout va bien, ce n'est plus le verbe stare qu'on emploie, mais bien andare. Qu'est-ce que ça donnerait alors, tout va bien? Tutto va bene. Presque. En fait, les Italiens font une inversion et mettent le verbe avant tutto. Va tutto bene. C'est ça. Va tutto bene. Ou simplement, va bene. Avec le verbe andare. Parce que là, il s'agit de quelque chose qui fonctionne. Va. Et non pas simplement qui est bien, qui se trouve bien. Sta. Maintenant, comment diriez-vous? Pouvez-vous le faire réparer? Può lo fare riparare? Recommencez, s'il vous plaît. Il y a quelque chose qui ne va pas dans l'ordre des mots et dans la prononciation. Può farlo riparare? Riparare. Può farlo riparare? C'est ça, très bien. Può farlo riparare? J'insiste à nouveau sur ce farlo, parce que pour vous faire comprendre, pour faire passer la balle au-dessus du filet, il est essentiel de respecter l'ordre des mots. Si vous dites « può lo fare riparare » à un italien, je ne pense pas qu'il vous comprendra. Vous aurez droit à un deuxième service, certes, mais vous pouvez vous faire comprendre du premier coup si vous réfléchissez un peu avant de faire votre phrase. Par exemple, comment diriez-vous ? Pouvez-vous me faire voir quelque chose? Può farmi vedere qualcosa? Bien, très bien. Può farmi vedere. Pouvez-vous me faire voir quelque chose? Qualcosa? Può farmi vedere qualcosa?